Vous savez, j'ai jamais été un gars qui voulait suivre la mode. Je voulais adopter un mode de vie comme les autres. Moi, tu sais, j'aime ça faire à ma façon. Ma tête, c'est ma raison, c'est ma maison. Quand ça tourne pas rond, c'est tout mon corps qui en subit, puis quand ça file pas, ben, j'écris. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un tout autre côté de moi, à l'opposé de ce que je vous présente dans mes vidéos YouTube. Pour le moment, j'aimerais que vous laissiez tomber ce que vous êtes en train de faire, puis juste écouter un peu ce que j'ai à dire. Je vais revenir en arrière dans le temps. Je vais vous faire vivre ma façon de penser par le rap. Quand vous savez, déjà en partant par vous parler de mes sentiments, quand on se fait briser le cœur, on part toujours un peu en peur.